Quand tu crois en Dieu, expérimente son œuvre, ta vision de la vie change, tes valeurs dans la vie assainies. C'est le portrait d'une personne.